Ce soir, nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Mangaribi yaleo tunasalimia kila mmoja wenu jina Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Daniel au chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Daniel au chapitre 2. Danieli sura ya pili. Dans son verset 40. Mustari ya makumi ine. Jusqu'au verset 43. Kufika na makumi ine na tatu. Nous lirons aussi Daniel au chapitre 7. Tutasoma tena Danieli sura yake ya saba. À partir du verset 7. Kuanzia mstari ya saba. Prions. Tuombe. Seigneur notre Père. Bwana Mungu Baba yetu. Il est écrit que là où s'assemblent deux ou trois en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Imeandikwa ya kwamba pale bawili wala batatu wanakusanyika mujina lako utakuwa katikati yabo. Au nom de Jésus-Christ, descend. Mujina Yesu Kristo ushuke. Et parle-nous, Seigneur, selon ta volonté. Na useme nasi Bwana kufuatana na mapenzi yako. Que la portion de la nourriture que tu nous as réservée. Sehemu la chakula ile ulituchungia. Nous soit accordé aujourd'hui. Itupewe leo. Tu connais nos problèmes comme des humains. Unajua mahitaji yetu sawa watu. Seigneur, tu es un père fidèle. Bwana uku baba mwaminifu. Règle la situation de chacun de nous. Ujibie itaji ya kila mmoja wetu. Pour la gloire de ton nom et pour notre paix. Jua utukufu wa jina lako na juu ya salama yetu. Béni la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Accorde-nous un entendement meilleur. Utupatie kusikiliza kuzuri. Parce que la révélation ne vient que de toi. Kwani ufunuo inatokea ni paka kwako. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Verset 40 à 43. Mustari ya makumi ine kufika na makumi ine na tatu. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Utakuwa ufalme wa ine ya nguvu sawa chuma. De même que le fer brise et rompt tout. Hivyo hivyo chuma ikunavunja na kuponda vyote. Il brisera et rompra tout. Itavunja na kuponda vyote. Comme le fer qui met tout en pièces. Sawa vile chuma ikunaponda vyote. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier. Sawa vile uriona miguu kipande ya vidole ilikuwa ya bulongo na kipande ya chuma. Et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Hii ufalme itagawanika. Mais il y aura en lui quelque chose, la force du fer. Alakini kutakuwa ndani yake kitu kimoja kia nguvu sawa chuma. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Kwani uliona chuma yenye kuchanganika na budongo. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Sawa vile vidole vya miguu ilikuwa kipande ya byuma, kipande ya budongo. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Hii ufalme nayo itakuwa kipande ya nguvu na kipande ya teke teke. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Uriona chuma yenye kuchanganika na udongo. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Kwani watajichanga kufatana na maagano ya watu. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. lakini hawatakuwa katika umoja mmoja kwa mwingine. De même que le fer ne salit point avec l'argile. Hivyo hivyo chuma haiwezi kama kuchanganyika na udongo. Dans Daniel au chapitre 7. Daniel sura yake ya 7. À partir du verset 7. Kuanzia mstari ya 7. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Kisha ile nikaona kupitia ono yangu ya usiku. Et voici, il y avait un quatrième animal. Natazama kulikuwa nyama waine. Terrible. Wa ajabu. Épouvantable. Wa kuleta boka. Et extraordinairement fort. Wa nguvu ya mastajabu. Il avait de grandes dents de fer. Alikuwa na meno minene ya chuma. Il mangeait. Alikuwa na kula. Brisé. Alikuwa na vunja. Et foulé aux pieds ce qui restait. Na alikuwa na kanyanga kumigu ile mabaki. Il était différent de tous les animaux précédents. Alikuwa mwenye kuachana na wanyama wale walimtangulilia. Et il avait 10 cornes. Naye alikuwa na mapembe 10. J'ai considéré les cornes et voici l'une une autre petite sortie du milieu d'elles. Nikaangalia mapembe, tazama kulikuwa pembe moja kidogo ikatoka katikati yayo. Et trois de ces premières cornes furent arrachées devant cette corne. Na hii mmoja wa mwile mapembe tatu ikatukunika toka ile mapembe. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme. Tazama alikuwa na macho sawa macho ya mtu. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Na kinywa ile ilikuwa nasema na kiburi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Comme je l'avais promis hier, vile nari laka jana, c'est aujourd'hui que nous commençons avec le quatrième animal. Ni leo ndio tutaanza na nyama ya ine. Qui est appelé par, dans les Écritures comme un animal terrible. Ule banaita maandiko ya kwamba ni nyama moya wa ajabu wa kogopesha. Épouvantable. Wa kogopesha. Et qui est extrêmement fort. Na mwenye kwa na nguvu kabisa. Et c'est le même royaume qui est représenté ici. Ni ufalume moja moja ile banaonesha hapa. Dans la vision de Nebuchadnezzar, dans la statue de Nebuchadnezzar. Muono ya ile sanamu ya Nebuchadnezzar. Dans le pied et dans les orteils en partie de fer et en partie d'argile. Wa migu na vidole ya migu ilikuwa na kipande ya chuma na kipande ya udongo. Et ce royaume est le dernier. Na hii ufalme ndiye ya mwisho. Qui doit dominer toute la terre jusqu'à la consommation des temps. Ile itatawala ulimwengu mzima kufika na mwisho ya nyakati. Qui n'est pas autre que l'Empire romain ou le royaume de Rome. Ile nayo manake ni ufalme ya Kiroma. Nous avons vu qu'il y a eu d'abord le royaume de Babylone. Tuliona kwanza kulikuwa kwanza ufalme ya Babeli. Après le royaume de Babylone, nous avons eu le royaume des Médes et Perses. Kisha ufalme ya Babeli kulikuwa ufalme ya Bamedi na Waperse. Et troisièmement, nous avons eu le royaume de la Grèce. Na kiatatu, avec Alexandre le Grand. Tuliona ufalme wa Greki na Alexandre le Grand. Et maintenant le quatrième, c'est le royaume romain. Na hii ya ine sasa ni ufalme wa Roma. Depuis la chute de l'Empire Grec, tangia kuanguka kwa ufalme wa Wagreki, qui a régné de de 330 en l'an 30. Ili litawala mwaka 330 kufika na mwaka 30. Le royaume de Rome commença en l'an 30. Ufalme wa Roma ilianza sasa mwaka 30. Avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni mbele ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et ce royaume ira jusqu'à la fin. Na hii ufalme itaendelea kufika hadi mwisho ya nyakati. Depuis l'Ancien Testament. Tangia agano la kale. Balaam avait prophétisé sur Rome. Balaam alitabiri yulu ya Roma. Pour montrer que ce royaume jouerait un très grand rôle dans le temps de la fin. Juu ya kuonesha kwamba hii ufalme itakuwa na kazi munene mwi wakati ya mwisho. Dans Nombre au chapitre 24. Esabu sura makumi mbili na ine. Dans son verset 23 à 24. Mustari ya makumi mbili na tatu kufika makumi mbili na ine. Il nous est parlé de Rome. Wanatuambia humu mustari wanasema mambo ya Roma. Balaam prononça son oracle et dit. Balaam alitangaza hotuba yake na kusema. Hélas. Basi. Qui vivra après que Dieu l'aura rétabli? Ni nani ula taishi basi kisha Mungu kumweka? Mais des navires viendront de Kittim. Alakini mamerekebu itakuja kutokea kukitimu. Ils humilieront la Syrie. Watamufezeresha ule Musuria. Ils humilieront l'Hébreu. Na watamufezeresha ule Muebrania. Et lui aussi sera détruit. Naye pia ataribishwa. Kittim est l'ancien nom de Rome. Hii Kittimu manake njo jina ya zamani ya Roma. Avant que Rome ne soit appelé Rome. Mbele ya Roma kuitiwa Roma. Son ancienne appellation était Kittim. Jina yake ya zamani walikuwa namuita Kittim. Et Balaam avait déjà vu le comportement de ce royaume au temps de la fin. Na Balaam aliona namna ya kutenda ya hii ufalme mwakati ya mwisho. Comment les navires quitteront Rome? Namna kani ma merekebu itatoka kule ku Roma pour humilier la Syrie et l'Hébreu. Jua kufezeresha Musuria na Muebrania. Et Israël. Na Israeli. Après qu'il ait humilié Israël, qu'on appelle ici l'Hébreu. Kisha kufezeresha Israël mwenyewe anaita Muebrania. Lui aussi sera détruit. Naye pia batamuharibu. C'est vrai. Mbia kweli. Un empire qui a un très grand rôle à jouer. Ni ufalme ile ikuna kazi munene ile tatenda. Dans Daniel 2, là où nous avons lu. Daniel sura ya pili mule tulisoma. L'écriture est claire, il est très précis. Andiko iko wazi na inasema mzuri. Il y aura un quatrième royaume. Kutakuwa ufalme ya ine. Fort comme du fer. Ya nguvu sawa chuma. De même que le fer brise et rompt tout. Hivyo hivyo chuma iko na ponda na kuvunja vyote. Ce royaume brisera et rompra tout. Hiyo falme nayo itavunja na kuponda vyote. Comme le fer qui met tout en pièces. Hivyo hivyo chuma iko na ponda vyote. C'est pourquoi dans la vision de Daniel, dans Daniel 7, je crois mana muono ya Daniel sura 7, on l'appelle un animal terrible. Wanamuita ya kwamba yeye huyu ni nyama wa ajabu wa kuogopesha. Il est épouvantable. Mwenye kuleta boka. Il fait peur à tout le monde. Anaogopesha watu wote. Et il est extraordinairement fort. Yeye eko na nguvu ya mastajabu. Et la Bible dit qu'il est différent des quatre des trois premiers animaux. Na Biblia inasema yeye anachana na wale wa nyama tatu walimtangulilia. La Bible révèle. Biblia inafunua que ce quatrième royaume sera fort. Ya kwamba hii ufalme ya nne itakuwa ya nguvu. Il sera extrêmement puissant. Atakuwa na uwezo wala na nguvu ya mastajabu ya ajabu. Mais malgré sa puissance, lakini hata hivyo atakuwa na nguvu. Vous noterez, Mutashika ya kwamba, que Rome dominera en deux phases selon la prophétie. Ya kwamba Roma atatawala muvipande mbili kufatana na matabiri. Parce qu'il est dit ici. Kwani imesemewa hivi. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer. Vile uliona vidole vya miguu kipande udongo na kipande ya chuma. Ce royaume sera divisé. Hii ufalme itagawanika. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Lakini ndani yake mtakuwa kitu kimoja cha nguvu ya chuma. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Kwani uliona chuma yenye kuchanganyika na udongo. Donc ce quatrième royaume. Manake ufalme ya nne dominera en deux phases. Itatawala muvipande mbili. Comme nous pouvons le lire dans l'histoire, vile tunaweza kuisoma muadisi, il y a eu d'abord la Rome païenne, kwanza kulikuwa Kiroma ya kipagano, et ensuite il y a eu la Rome papale, na kisha kukakuwa Roma yenye kutawaliwa na papa. Et cet Rome papal, naï Roma yenye kongoziwa na papa, ira jusqu'à la fin de temps, yayo taenda hadi mwisho nyakati, jusqu'à ce que Christ, kufika na pale Kristo, vienne établir son royaume, atakuja kuweka ufalme yake, qui est le cinquième royaume, yenye kwa ufalme ya tano, qui est représenté dans la statue de Nebuchadnezzar, yenye konekanishwa kui sanamu ya Nebuchadnezzar, comme cette pierre qui vient frapper la statue sawa, sans le secours d'aucune main. Sawa ile jiwe iko nakuja bila msaada wa mkono hata mtu mmoja na kwa kuponda ile sanamu. Il y a eu l'Empire romain d'Orient. ulikuwa ufalme ya Kiroma ya kuasubuhi. Qui était conduit par l'Église catholique. Iliongoziwa na kanisa katoliki. Papal. Ya kipapa. Et il y a eu encore l'Empire romain. Na kulikuwa tena ufalme d'Occident. Ufalme ya Kiroma ya kumagharibi. Qui est aussi dominé par les catholiques orthodoxes. Nayo ni yenye kutawaliwa na katoliki ya orthodoxe. Les jambes en fer. Migu ya vyuma. En partie argile. Na kipande udongo. Et en partie de fer. Kipande udongo na kipande ya chuma. Ne parle pas d'autre chose que de cet empire romain d'Orient et d'Occident. Yayo inasemea tu yule ya ufalme ya Kiroma ya asubuhi na magharibi. Mais si vous remarquez, lakini mkitazama mzuri, les pieds et les orteils, miguu na vidole vya miguu, sont aussi en partie fer et en partie argile. Navyo viku vipande vya chuma na vipande vya udongo. Là, on parle de Rome dans sa dernière phase finale. Manake pale wanasemea ufalme ya Roma wakati yake ya kumwisho. Et quand on arrive là, wakati ukifika kule, il est prêt aussi à disparaître. Nayo hii ufalme iko tayari ipotee. Mais quand vous lisez Daniel chapitre 2, alakini mukisoma Daniel sura 2, même dans son verset 43, hata musari yake ya 43, vous remarquerez qu'il y a eu une tentative de l'unification entre l'Occident et l'Orient. Mutaona ya kwamba kulikuwa kukupima kuunganisha kwa katikati ya Roma ya asubuhi na ya magharibi. Mais il sera toujours divisé. Lakini ufalme ayezi kama kuungana itakuwa paka yenye ugawanyana. Et dans sa phase finale, na mukipande yake ya mwisho, ce royaume sera divisé en du royaume. Hii ufalme itagawanika mu vipande mbili, ma ufalme mbili. Jusqu'à la venue de Christ. Kufika na mukurudi kwa Kristo. Qui est cette pierre. Yenye kwa hii jiwe. Qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Yesu Kristo mwenye kwa ile jiwe inatoka kumulima bila msaada ya mkono ya mtu. C'est vrai. Bien query. C'est un animal terrible. Ni nyama moya wa hatari. Vous voyez que même Daniel n'a pas pu l'identifier correctement. Munaona ya kwamba hata Daniel anashinda kumtambulisha mzuri. Dans Daniel 7 ici, où nous avons lu, Daniel sura 7 mule tulisoma. Dans son verset 7, mstari yake ya 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal. Na kisha ile tazama nilikuwa naangalia katikati ya maono yangu ya usiku. Natazama kulikuwa huyu nyama wa ine. Cet animal n'avait pas de nom. Huyu nyama sikuwa na jina. Daniel dit, c'est un animal terrible. Daniel anasema huyu ni nyama wa hatari. Il a identifié le premier animal. Alitaja jina ya nyama wa kwanza. Il a identifié le deuxième animal. Na alitaja jina ya nyama wa pili. Il a identifié le troisième animal. Alitaja hivyo hivyo jina la nyama wa tatu. Mais quand il arrive au quatrième animal, lakini wakati anafika pa huu nyama wa nne, il n'a pas su l'identifier. Akuwezi kama kumpatia jina. Il dit, j'ai vu un animal terrible. Anasema kwamba niliona nyama moja wa ajabu, nyama wa hatari. Épouvantable. Wa kuogopesha. Extrêmement, extraordinairement fort. Mwenye kuwa na nguvu ya ajabu. Il avait de grandes dents de fer. Alikuwa na meno minene ya chuma. Il mangeait. Alikuwa na kula. Brisé. Alikuwa na ponda. Et au pied ce qui restait. Na kukanyanga kumiguu mabaki. Il était différent de tous les animaux précédents. Yeye huyu aliachana na wanyama bote wale walimtangulia. Et avait 10 cornes. Naye tena alikuwa na pembe 10. J'ai considéré les cornes. Nikaangalia mapembe yake. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Tazama pembe moja ingine katoka katikati ya ile mapembe. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Na ile mapembe tatu ya kumwanjo ikatukunika mbele ya hii pembe. Et voici. Na tazama. Elle avait des yeux. Ilikuwa comme des yeux d'homme. Alikuwa na macho sawa macho ya mtu. Et une bouche. Na kinywa. Qui parlait avec arrogance. Ile ilikuwa nasema na kiburi. Il n'a pas pu l'identifier. Alishinda kutaja jina ya unyama. Un animal terrible. Nyama moya wa hatari wa kuogopesha. Qui brise tout. Ule anaponda biote. Qui foule tout au pied. Anakanyanga vitu vyote kwa miguu. C'est l'Empire romain. Ni ufalme ya Kiroma. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Mais avec le mélange de ces trois de ces trois premières bêtes. Alakini na mchango ya baba nyama tatu wa kumwanjo. Qui l'ont précédé. Wale wale mutangulia. Daniel n'a pas pu l'identifier correctement. Daniel alishinda kutaja jina lake mzuri. Parce que ce quatrième animal. Kwani huyu nyama wa nne est un mélange de trois premiers animaux qu'il a vu dans la vision et qu'ils avaient précédé ce quatrième. Yeye huyu ni mchango ya iba nyama tatu wale wale mtangulilia. Et dans sa phase finale, na mukipande yake ya mwisho, dans ce royaume, il y aura 10 cornes. Ndani ya hii ufalme mtakuwa mapembe 10. Il se révéla de ce royaume du roi. Kutalamuka ndani ya hii ufalme wa falme 10. Mais devant lequel trois rois tomberont, selon Daniel chapitre 7, dans son verset 8. Ndani yamo awa wafalme tatu watanguka kufatana na Daniel sura 8. Parce que la Bible a dit, Kwani Biblia inasema, trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, c'est-à-dire la petite corne. Ima pembe tatu ya kumwanjo ilitukunika mbele ya iko pembe kidogo. Et voici, elle avait les yeux d'homme, et les yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Tazama alikuwa na macho sawa macho ya mtu na kinywa ile ilikuwa nasema na kiburi. Un animal terrible. Nyama moja wa atari. Qui mélange en lui les forces, la puissance de ces trois bêtes qui l'ont précédé. Huyu anachanga ndani yake mauwezo na manguvu ya ima nyama tatu ili mtangulilia. C'est la même bête que Apocalypse chapitre 13 parle. Ni nyama moja moja ule ufunuo sura 4 anasemea. Dans son verset 1 à 2. Mstari ya kwanza na ya pili. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Kisha nikaona upanda toka maji nyama moja. qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oui, alikuwa na mapembe kumi na bicha saba. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Na pa mapembe yake kulikuwa ma lulu kumi. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Na pa bicha yake kulikuwa majina ya makufuru. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Na huyu nyama naliona alifanana na chui. Ses pieds étaient comme d'un ours. Na miguu yake ilifanana sawa ya dugu. Et sa gueule comme une gueule de lion. Kinywa yake ilifanana na kinywa ya simba. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Na joka ilimpatia uwezo wake na kiti yake ya enzi na mamlaka ya nguvu. Vous voyez maintenant ici dans Apocalypse 13. Munaona mufunuo 13. Dans son verset 2, mustari ya pili, Jean identifie maintenant cette bête. Yohane anatambulisha mzuri huyu nyama. Qui avait en lui les caractéristiques des premières bêtes. Huyu alikuwa na matabia ya bale banyama ba kwanza. Il était semblable à un léopard. Na huyu nyama alifanana na chui. Ses pieds comme ceux d'un ours. Na miguu yake ilifanana na ya dugu. Et sa gueule comme une gueule de lion. Na kinywa yake ilikuwa sawa kinywa ya simba. C'est pourquoi c'est un animal terrible. Je komana ni nyama moja wa hatari. Il a en lui toutes les caractéristiques des trois premiers royaumes qui l'ont précédé. Ndani yake alikuwa na matabia ya banyama bote tatu bale walimtangulilia. Maintenant dans Daniel au chapitre 7 verset 8. Sasa Daniel sura 7 mstari ya 8. Et dans Daniel chapitre 8 verset 9. Na Daniel 8 sura 9. Ces deux versets parlent toujours de la petite corne. Ima mstari 2 inasemea paka yule ya pembe kidogo. Mais remarquez la différence. Alakini tazameni achanisho. Il y a la petite corne. Kuko kwanza pembe kidogo. Qui est sur le quatrième animal. Yenye kupatikana yulu ya nyama waine. Et il y a la petite corne. Na kuko tena pembe kidogo. Qui est sur le bouc. Yenye kupatikana yulu ya mbuzi dume. La petite corne. Il pembe kidogo. Qu'on retrouve sur le quatrième animal. Il est napatikana yulu ya unyama wa ine. De Daniel 7, 8. Ya Daniel sura 7 msari ya 8. Cette petite corne là. Il pembe kidogo ile. Est l'antichrist. Yeye ndiye mupinga Kristo. C'est le pape. Manaki ni papa. Mais tandis que la petite corne qui se trouve sur le bouc, alakini i pembe kidogo yenye upatikana yulu ya mbuzi dume, ça c'est Antiochus. Huyu ni Epiphane. Ni Antiochus Epiphane. Le bouc devint très puissant. Mbuzi dume akakuwa na uwezo sana. Mais lorsqu'il fut puissant, alakini wakati ile alikuwa na uwezo, sa grande corne se brisa. Pembe yake munene ikavunjika. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. Na mapembe ine ikaamka juu ya kumkomboa. Au quatre vents des cieux. Mapepo ine ya mbingu. De l'une d'elles sortit une petite corne. Mumu moja yabo kukatoka pembe moja kidogo. Qui ça grandit beaucoup vers le Midi, l'Orient, et vers les plus beaux des pays. Na ilikomala kufika na kuasubuhi na kufika kumuji mzuri kabisa. Vous voyez que c'est différent. Munaona ya kwamba inaachana. Une petite corne sur le bouc. Pembe kidogo yule ya mbuzi dume. Et une petite corne na pembe kidogo sur le quatrième animal. Yulu ya huyu nyama wa nne. Cette petite corne I pembe kidogo qui s'est trouvée sur le bouc yenye kupatikana yule ya mbuzi dume que nous avons identifié comme Antiochus, ile tulilinganisha sawa Antiochus, c'est déjà accompli avant la naissance de Jésus-Christ. Inesha timilika tambele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Mais la petite corne de la quatrième animal, elle n'est pas encore accomplie, mais elle s'élèvera au temps de la fin. La petite corne, parce que c'est important. Daniel a dit ceci. Daniel a dit ceci. Dans Daniel 7, Daniel sura saba, dans son verset 19, mstari wa 19, ensuite j'ai désiré savoir, kisha nilitamani nijue, après avoir vu toutes les bêtes, kisha kuona wanyama wote, mais ma préoccupation était de savoir, angaiko yangu ilikuwa ni ya kujua, la vérité sur le quatrième animal. Ukweli yulu ya huyu nyama wa ine, qui était différent de tous les autres. Ule alikuwa mwenye kuachana na hawa wanyama wengine. Extrêmement terrible. Wa hatari kabisa. Qui avait des dents de fer. Ule alikuwa na meno ya chuma. Et des ongles de rein. Na makucha ya shaba. Qui brisait et qui mangeait, qui brisait et foulait au pied ce qui restait. Ule alikuwa na kula na kufunja na kukanyanga kumiguu mabaki. Vous voyez que même dans la vision de Daniel sur les bêtes, munaona ya kwamba ta katika ono ya Daniel mu yule ya manyama, on parle du fer, wanasemezea mambo ya chuma, les dents de fer, wanataya meno ya chuma, les ongles de rein, mankucha ya shaba. Ça a attiré beaucoup l'attention de Daniel. Ilivuta sana angalisho ya Danieli. Et deuxièmement, na kiapili, il voulait savoir la vérité sur les 10 cornes. Alipenda ajue ukweli yulu ya mapembe kumi. Devant laquelle 3 étaient tombés. Bele yayo 3 ilianguka. Et sur cette corne, na yulu ya ile pembe saba, qui avait des yeux. Des yeux, qui avait des yeux. Ile ilikuwa na macho. Une bouche et une bouche. Na kinywa. Parlant avec arrogance, mwenye kusema na kiburi, bajivuno, et une plus grande apparence que les autres. Na kuonekana kwa kushindia wa wanyama wengine. Verset 21. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Naliona hii pembe kukombanisha watakatifu na kuwatawala. Il voulait savoir la vérité. Alipenda juu ukweli. Parce que cette bête avait attiré beaucoup d'attention, son attention. Kwani huyu nyama alivuta kabisa angalisho yake. Comme nous venons de le dire ici, paka vile tunatoka mkuisoma, kuisema, cette petite corne, hii pembe kidogo, n'est pas autre chose. Aina kitu kingine. Quel antichrist. Isipokuwa tu mpinga Kristo. Vous voyez. Munaona. Et cet antichrist. Na huyu mpinga Kristo. Dans sa dernière phase. Mukipande yake ya mwisho. selon Apocalypse chapitre 13, dans son verset 5, la Bible dit, Biblia, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Alimpewa kinywa ile ilisema misemo ya makufuru na majivuno. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alipewa uwezo kutenda kadiri ya miezi 42. C'est l'antichrist. Huyu ni mpinga Kristo. La bête. Mnyama. Qui, à son temps, après le départ de l'épouse, comme nous allons le montrer, ule mwakati yake kisha kuenda kwa bibi harusi paka vile tutaionyesha, va commettre des choses abominables. Atatenda vitu vya makufuru. Et même dans la vision de Daniel, hata katika ono ya Danieli, Daniel dit, Daniel anasema, il prononcera des paroles arrogantes. Atatangaza misemo ya kiburi. Et blasphématoire contre Dieu et contre les saints. Na misemo ya makufuru mbele ya Mungu na mbele ya watakatifu. Et en son temps, il espérera changer le temps et la loi. Na mwakati yake atatamani abadilishe nyakati na masheria. Comment cette petite corne? Namna gani pembe kidogo? Peut-il lancer des paroles arrogantes et blasphématoires contre Dieu? Namna kani nawezi kusema misemo ya makiburi na ya makufuru mbele ya Mungu. Elle blasphème contre Dieu. Inakufuru Mungu. Elle blasphème contre les saints. Na inakufuru watakatifu. Et pendant qu'elle exerce son pouvoir, wakati ile inatumia uwezo wake, elle veut même changer le temps et la loi. Anapenda ta abadilishe nyakati na sheria. C'est très grave ça. Hii ni hatari kabisa. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Ce petit roi. Uyo mfalme kidogo. Persécutera le saint. Pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Atateswa kabisa watakatifu mu miezi 42 manake kadiri ya miaka 2 na sehemu na kipande. Si vous remarquez très bien, mchangarishisha mzuri, sa puissance, uwezo wake, son autorité, mamlaka yake, et même son trône, hata na kiti yake ya enzi, viennent de Satan. Vinatokea kwa shetani. Il n'y a que Satan. Ni paka tu shetani. Qui est l'adversaire de Dieu. Yeye njo adui wa Mungu. Il n'y a que Satan qui est l'ennemi de Dieu. Paka shetani njo mupinzani wala adui wa Mungu. Il est l'unique être. Eko peke yake kiumbe. Qui est capable d'être arrogant devant Dieu? Mwenye kwa na uwezo wa kuwa na kiburi mbele ya Mungu. Et qui peut blasphémer contre Dieu? Na ule anawezi kufuru Mungu. Il n'y a que Satan. Ni paka tu shetani tu. Qui peut persécuter les saints? Jo anawezi kuteswa watakatifu. Il injurie Dieu. Yeye anamtukana Mungu. Il méprise Dieu. Anambeula Mungu. Il méprise les saints. Anabeula watakatifu. Il persécute les saints. Anateswa watakatifu. C'est Satan. Huyu ni shetani. C'est lui, c'est dans son orgueil. Ni yeye peke yake mukiburi yake. Qui espère. Jana tumainia. Parce qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas changer, il n'est pas Dieu. Wani hawezi yeye kubadilika, ana Mungu. Il ne peut pas changer le temps. Hawezi kama kubadilisha nyakati. Parce que c'est Dieu qui a fixé le temps. Wani ni Mungu ndio aliweka manyakati. Mais dans sa folie, mubazimu yake, il espérait changer le temps. Alikuwa anatumainia abadilishe nyakati. Et la loi, na sheria. Jésus dans Daniel au chapitre 7. Nikum Daniel sura 7. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Atasema misemo ya kinyume na aliye juu. Il opprimera le saint du Très-Haut. Atasonga batakatifu ba aliye juu. Le saint du Très-Haut. Batakatifu ya aliye juu. C'est Israël. Ni Israëli. Et il espérera changer le temps et la loi. Atatumainia abadilishe manyakati na sheria. Regardez là. Tazameni pale. Il n'est pas dit. Aisemewe il espérera changer le temps et l'évangile. Atatumainia kubadilisha nyakati na injili, hapana. Non. Hapana. Il va espérer. Yeye atatumainia changer le temps. Abadilisha nyakati et la loi. Na sheria. Pourquoi? Ya nini? Parce que après le départ de l'épouse. Wani kisha kuenda kwa bibi harusi. Comme nous allons le montrer. Vile tutaionesha. Alors, les deux prophètes descendront. Pendant les 3 ans et demi de paix, le temple sera reconstruit. Les 144 000 seront appelés. Et les Juifs vont commencer à adorer comme ils le faisaient avant. Vous voyez, jusqu'au temps où Christ viendra se révéler à eux. Mais ce monsieur ici, il veut changer le temps et la loi, pas l'évangile. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié de temps. Na watakatifu watatoweka mikono yake mu wakati, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, puis viendra le jugement. Kisha hukumu itafika. Ici, c'est le jugement des nations. Ni hukumu ya ba mataifa. Et non le dernier jugement. Aina hukumu ya mwisho. C'est le jugement des nations avant d'entrer dans le millénium. Ni hukumu ya mataifa mbele ya kuingia utawala. Et on lui ôtera sa domination. Batamondosha utawala yake. Qui sera détruite et anéantie pour toujours. Ile taribika na kuteketezwa kwa lote. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Vous voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. C'est Satan ni shetani qui va régner yeye ndio atatawala dans le dernier roi dani ya huyu mfalme wa mwisho dans la petite corne dani ya ipembe kidogo avant la consommation de temps bele ya mwisho ya nyakati. C'est vrai frère ya kweli nduku. Même si vous prenez dans 2e Thessaloniciens au chapitre 2, vous allez bien l'identifier. Cet homme qui est arrogant et qui blasphème Dieu et les saints, c'est vrai. Biakweri. Regarde. Tazameni. Prenons seulement le verset 3 et 4. Tuchugue tu mustari ya 3 na 4. Le 2e Thessaloniciens chapitre 2. Wa Thessalonike wa 2 sura ya 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Usikwe mtu hata moja kumitongoza itura namna gani. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Kwani inapashi kukatala kwa imani kufike kwanza. Et qu'on ait vu paraître l'homme unique, l'homme impie. Na bapate kumuona mtu muovu. Le fils de la perdition. Mwana wa upotevu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Adui mwenye kujinyanyua yulu ya ule wanaita Mungu na yulu ya ule wanaabudu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? Atafika mkuingia hata mwekalu ya Mungu na kujita yeye mwenyewe kuwa Mungu. C'est Satan. Huyu ni Shetani. Qui cherchera à s'élever au-dessus de tout le monde pendant ce temps? Oui, bien aimé frère. Parce que c'est lui qui est l'adversaire de Dieu. Depuis le ciel, tangia mbingu, il y a seulement un seul homme qui voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Hukutu mutu mojo na napenda jinue yulu ya kiti ya enzi ya Mungu. Cet homme là, ule mutu ule, cet archange, ule malaika mkubwa, c'est Lucifer. Ni Lucifer. Qui disait en son cœur, ule alikuwa nasema mumoyo yake, je m'élèverai. Mimi tajinua. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Kaweka kiti yangu ya enzi yulu ya manyota. Ce plan-là, il est mapu. Satan l'avait conçu Shetani aritungaka depuis au ciel. Tangia kule kumbingu. Comme ce plan-là ne s'était pas réalisé, sawa vile ile mapu yake haikutimilike, et qu'il fut précipité de la terre, na walimutupa chini, il a essayé de réaliser ce plan alipima kutenda ile mapu yake dans les rois, dani ya wafalme, dans les présidents, dani ya waraisi, dans les dignitaires, dani ya mwenye mamlaka, voyez, weshimiwa, dans les vedettes, dani ya weshimiwa, watu wa kafumo, dans les riches, dani ya watajiri. Il n'était pas toujours satisfait, ashikutosheke, ashikufurahikie. Mais au temps du quatrième royaume, sasa mwakati ya ufalme ya ine, dans sa dernière phase, kipande yake ya mwisho, c'est à ce moment-là que Satan, mwile wakati Shetani, entrera maintenant dans le pape, ataingia ndani ya papa, il sera un antichrist et la bête, atakuwa mpinga Kristo na nyama, pour maintenant accomplir, ya yeye kutimiza, ce qu'il avait conçu en lui. Il a ritungaka ndani yake. Et il va chercher à s'élever. Et il s'élèvera. Atatafuta kujinua na atajinua. Parce que tous les habitants de la terre, wani wakaji wote wa padunia, aujourd'hui ils l'adorent sans le savoir. Leo hii wanamwabudu bila kujua. Mais à cette époque-là, lakini mwile wakati, après le départ de l'épouse, kisha kuenda kwa bibi harusi, ils adoreront avec conscience. Watamwabudu na zamiri zote. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma soeur, c'est l'antichrist. Huyu ni mpinga Kristo. Cette petite corne, ii pembe dogo, c'est l'antichrist. Yeye ni mpinga Kristo. C'est le pape. Ni papa. Qui s'élève au-dessus de tout. Mwenye kujinyanyua yulu ya batu pote. C'est lui. Ni yeye. Qui dans Apocalypse 13 verset 8, Mufunuo 13 mstari ya 8, qui fera en sorte que tous les habitants de la terre l'adorent, wakaji wote wa dunia wa mwabudu, dont le nom bale n'a jamais été écrit dans les livres de vie de l'agneau. Bale majina yao haikuandikiwe mukitabu cha buzima mwana kondoo. Bien aimé frère et soeur, bapendwa banduku na badada, il y a une différence huko achanisho entre l'antichrist katikati ya mpinga Kristo et les antichrists na wa pinga Kristo. Les antichrists sont partout. Wa pinga Kristo wanapatikana fasi yote. Les antichrists sont levés wapinga Kristo walianu wali depuis le premier âge de l'église, walinyanyua tangia kisasi ya kwanza ya kanisa, depuis Ephèse tangia mu Efeso, Les antichristes sont levés. Wapinga Kristo wadinya. Qui combattait l'esprit de Dieu de Christ? Wale walikuwa na kombanisha roho ya Kristo ya Mungu. Ils combattaient les enseignements de Christ. Walikuwa na kombanisha mafundisho ya Kristo. Ils combattaient l'église de Christ. Walikuwa na kombanisha kanisa ya Kristo. Mais celui dont nous parlons, alakini huyu tunasemezea, dans Daniel et dans Apocalypse, mu Danieli na mufunuo, lui c'est le chef des antichrists. Yeye ni mkubwa wa wapinga Kristo bote. Il est différent de tous ces petits antichrists. Yeye anaachana na hawa wapinga Kristo bote ba kidogo. Dans 1 Jean, Yohane wa kwanza, au chapitre 2, sura ya pili, dans son verset 18, commençons par là. Mstari ya 18, tuanzie pale pale. Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2. Yohane wa kwanza sura yake ya pili. Dans son verset 18. Mstari ya 18. Jusqu'au verset 19. Kufika na 19. Petits enfants. Watoto kidogo. C'est la dernière ère. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Paka vile mulijulishwa ya kwamba mpinga Kristo yuko nakuja. Comme vous avez déjà été enseigné. Paka vile walimifundisha. Qu'un antichrist vient. Ya kwamba mpinga Kristo yuko nakuja. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Sasa hivi kuna kuwa wapinga Kristo wa mingi. Par là nous connaissons que c'est la dernière ère. Kupitia ile tunajua ya kwamba ni wakati ya mwisho. Ils sont sortis du milieu de nous. Walitoka katikati yetu. Mais ils n'étaient pas de nôtre. Alakini hawakuwa wetu. Car s'ils avaient été des nôtres, wani, kama wao wali kuja, ils seraient demeurés avec nous. Walipashi kubakia pamoja nasi. Mais cela est arrivé alakini ilifika, afin qu'ils soient manifestes ili wapate kuonekana, que tous ne sont pas des nôtres. Kwamba bote abana betu. Voyez ici Jean est clair. Hapa Yohane anasema wazi. Il dit, nous vous avons déjà enseigné asema, tunesha mifundisha, que l'antichrist viendra. Ya kwamba huyu mpinga Kristo atakuja. Mais actuellement, alakini kwa sasa, il y a plusieurs antichrists. Huko wapinga Kristo wa mingi. Qui étaient même parmi nous. Wenye kuata katikati yetu. Et qui sont sortis du milieu de nous. Na walitoka katikati yetu. Il fallait qu'ils partent pour manifester à tout le monde qu'ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez, c'est vrai, les antichrists ne se lève pas ouvertement au-dessus de Dieu. Bao abajinyanyue waziwazi yulu ya Mungu. Et même des fois ne se laisse pas adorer. Na kila mara abawezi kujiachiria baba abudu. Mais il faut avoir un œil spirituel pour voir qui se laisse adorer. Lakini inapashi kuwa na licho ya kiroho uone ya kwamba bao banariachiria baba abudu. Les antichrists n'agissent pas ouvertement. Bapinga Christ bao abatendake wazi wazi. Ils sont très rusés. Beko bajanja kabisa. Ils s'opposent seulement à l'esprit de Christ et aux enseignements de Christ. Bao banapinganisha tu roho ya Christ na mafundisho ya Christ. Ils refusent de croire à toute la vérité de la Bible. Bao banakatala kuamini ukweli yote ya Biblia. Ils refusent de croire banakatala on les enseigne toute la vérité de la Bible. Banakatala bashi bafundishe ukweli yote ya Biblia. Ce sont des antichrists. Bale njo bapinga Kristo. Quand la vérité devient forte, wakati ukweli inakuwa ya nguvu, et qui ne peut plus supporter cela, na bawezi tena kuifumilia, ils sortent de l'église. Bao batatoka mkanisa. Et quand il sort de l'église, wakati wakitoka mkanisa, il ne rentre pas dans le monde païen automatiquement. Mupagano, mumudunia, il sort de la vérité anatoka ndani ya ukweli, pour former d'autres groupes ya kufanya makundi ingine, dans lesquels ils sont allés d'enseigner leur fausse doctrine. Mule beko musalama juu ya kufundisha mafundisho ya bongo. Mais lui l'antichrist, lakini yeye mupinga Kristo, c'est leur chef. Yeye ndio mkubwa wabo. C'est pas si vous avez bien remarqué. Dieu, comment on attazama mzuri. Là dans 2e Thessaloniciens. Na Thessalonika wa pili. Regardez comment l'écriture dit. Tazameni namna kaniandiko inasema. D'abord, c'est un fils de la perdue. Il est d'abord un homme unique. Kwanza ni mtu wa upekee. Il est Non. Mtu pekee yake. Non. Mwovu. Ah, mtu eko mtu mwovu. Il est impie. Le fils de la perdition. Un adversaire. Dieu n'a pas deux adversaires. L'adversaire c'est Satan. C'est lui qui s'élève au-dessus de Dieu. Et au-dessus de tout ce qu'on adore. C'est lui qui ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même comme Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'uniquité agit déjà dans les antichrists. Il faut seulement que celui qui le retient, le Saint-Esprit, celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes mensonges et de signes et de produits mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'antichrist mupinga Kristo régnera sur tous ceux qui n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Aujourd'hui, nous avons des petits antichrists qui œuvrent faiblement. Mais quand l'antichrist lui-même viendra, lorsqu'il sera incarné dans le pape, wakati ataingia ndani ya pape, et qu'il deviendra une bête, atakuwa sasa mnyama. Oh là, ce sera terrible. Vale, itakuwa ni hatari. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. En réalité, un antichrist, katika ukweli, mupinga Kristo, et tout homme, ni mutu wote mwanaume, et toute femme, wala mwanamke wote, et tout prédicateur, ni mhubiri wote, qui abandonne, ule anaacha, qui refuse, anakata, qui nie, anabisha, anakana, la véritable parole de Dieu, neno la Mungu la kweli, la vérité biblique, ukweli ya Biblia, tout homme, mwanaume wote, toute femme, mwanamke wote, tout pasteur, pastori wote, tout prédicateur, mhubiri wote, qui refuse, ule anakata, la vérité biblique, kweli ya Biblia, c'est un antichrist. Yule ni mpinga Kristo. Tu peux être ici chez nous. Unaweza kuwa hata huku kwetu. Na moi je suis un antichrist. Hata vile huku mpinga Kristo. Quand la parole de la Bible vous est exposée, wakati ukweli ya Biblia wanakuhubiri hiyo, vous refusez de la croire. Wewe unakataa kuiamini. Vous refusez de vous soumettre à cette parole. Unakataa kuitii. Lorsque la vérité vous est exposée, wakati ukweli wanakuhubiri hiyo, vous la niez. Unaikana. Vous devenez un antichrist. Wale unakuwa mpinga Kristo. Mais vous n'êtes pas l'antichrist. Lakini hauna yule mpinga Kristo. L'antichrist viendra après l'enlèvement de l'épouse. Yule mpinga Kristo atakuja kisha kunyanyua kwa bibi. Se révélé, Jopala taonekana. Et lui va dominer na yeye atatawala toute la terre, dunia mzima. Et à ce moment-là, mwile wakati, il va mépriser Israël. Atabeula Israeli. Il va mépriser la loi d'Israël. Atabeula sheria ya Israeli. La loi de Dieu. Sheria ya Mungu. Que le Seigneur avait donné à Israël. Le Bwana Mungu alimpatia Israeli. Il va jeter la vérité par terre. Atatupa ukweli chini. Il va fouler la vérité par terre. Atakanyanga ukweli kumiguu. Et les saints, na watakatifu, c'est-à-dire manake, Israël, Israeli, les 144 000 seront foulés aux pieds, seront tués. Watawawa. C'est Satan. Huyu ni shetani. Mais si aujourd'hui tu regardes, tu refuses la parole. Kama leo wewe unakata neno la Mungu. Tu es un antichrist. Uko mpinga Kristo. Un chrétien, mon Christo, ne rejette pas la parole. Yeye hawezi kama ukata neno la Mungu. Kama mukristo wanamwambia neno la Mungu ya kweli. They present la véritable parole de Dieu. Wanamfundisha kenye kuwa cha kweli. On enseigne ce qui est vrai. Wanamjulisha kenye kuwa cha kweli. On enseigne ce qui est vrai. Kenye kuwa conforme na maandiko. Ce qui est conforme aux écritures. Akatalake. Il ne peut jamais les refuser. Sasa kama wewe wanakuambia. Messie à toi on te dit. Wanakufundisha. On t'enseigne. Wanakuonesha maandiko mu Biblia. On te montre les écritures de la Bible. Unaikatala. Et que tu les refuses. Uko mpika Kristo. Sache que tu es un antichrist. C'est vrai. Bien quoi. Pour terminer, Dieu a commalisa. Frère Branham, dans le troisième sous. Duku Branham, muile muri yatatu. À la page 28. Kartasi makumi mbili na munane. Dans son paragraphe 209. Nukta yake 209. Frère Branham dit ceci. Duku Branham anasema hivi. Comment pouvez-vous être un antichrist? Namna kani unawezi kuwa mpinga Kristo? Quiconque refuse d'accepter yeyote ula nakata kuitikia que chaque parole de cette Bible est la vérité, ya kwamba kila neno ya hii Biblia ni ukweli, et qui refuse qu'on lui enseigne cela, na nakatala basi muhubiri hiyo, est un antichrist. Yule ni mpinga Kristo. Parce qu'il nie la parole, kwani anakana neno la Mungu, et que Dieu est la parole, na Mungu naye ndiye neno. L'église est avec moi. Kanisa nafuata. Je vais m'arrêter. Napenda kusimamisha. Comment pouvez-vous être un antichrist? Namna kani unawezi kuwa mpinga Kristo? Frère Branham répond. Ndugu Branham anajibu. Quiconque refuse d'accepter yeyote ula nakataa kuitikia que chaque parole de cette Bible est la vérité, ya kwamba kila neno ya Biblia ni ukweli, et qui refuse qu'on lui enseigne cela, na nakataa basimufundishe hiyo, est un antichrist. Yeye ule ni mpinga Kristo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il renie, kwani anakataa la parole, neno, alors que Dieu, japo Mungu, est la parole, ndiye neno. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. Usimame juu ya maombi. Nous continuerons demain. Tutaendelea kesho yake. Vous voyez. Munaona. Le quatrième animal. Huyu nyama wa nne. Cet animal terrible. Huyu nyama wa hatari. Épouvantable. Wa kuogopesha. Qui est extrêmement fort. Wa nguvu kabisa. Qui brise tout. Ula naponda biote. Cette bête là. Huyu nyama. C'est l'Empire romain. Ni ufalme ya Kiroma. Et dans sa dernière phase, na mukipande yake ya mwisho, il fera beaucoup de choses blasphématoires. Atafanya vitu mingi vya makufuru. Et Dieu ne veut pas que nous soyons les antichrists. Na Mungu naye asipende sisi tukue wapinga Kristo. Dieu veut que notre foi soit fondée sur la Bible. Mungu anapenda imani yetu isimamie pa Biblia. Prions. Tuombe.